chicks, yo. Baby girl, I know you, I fool you, you fool me. J'te regarde marcher dans le south side, toujours aussi sexy. J'te regarde marcher dans le town où ce que tu veux, tu peux y aller. Le monde te regarde, puis toi t'aimes ça. Oh, toi t'aimes ça. T'es la sexy girl, we're men in pam, pam, pam. Mais toi t'aimes ça. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Yeah. I pray to the ciel, I shine like a star. Et belle comme ça, je peux pas ça, je l'oublierai pas. T'es marina avant le soleil. T'es celle avec lequel je suis mieux quand je me réveille. Comme sideline, ben oui, parce que elle est une archie.